ce qui semblait perdu. Est désormais rendu. Les clés devant la porte, mon envie de tout faire en sorte. Ce qui devait mourir peut de nouveau s'ouvrir. Les fleurs sur la terrasse, dans mes bras de quoi faire une place. Le bonheur que j'ai dû attendre.